Que signifie tout ceci? Et que veulent dire ces étranges gravures sur les murs? Tu as de la chance. Je suis le dernier à pouvoir te lire le vieux langage, à faire parler pour toi tous ces oiseaux muets qui t'étonnent, les lisant sur les murailles comme dans un livre. Je t'en fous pas mon gars, t'es ma meilleure garantie. C'est pas que t'aimes pas, dehors trop même pas. Je t'ai pris bras droit, on m'a dit pas toi. C'est ce que j'ai fait dans ce foutoir et c'est pas ma foi. J'ai vu qu'il y avait trop de toc, trop de pute, trop de traits, trop de mal, trop de femmes, trop de sales, trop de foi, trop de voix, trop de vol, trop de jeunes, trop de peine, trop de flingue, on te rend hommage. J'ai approché de vous comme un spray, une teinte chrome. Mon tort, j'ai tourné le dos, ma vie je l'ai vu bonne. Horloge de mes heures dispersées, parfois de face. Forcé par la canine, je vous ai embrassé. Gratté par la lame d'un opinel ignoble. Dans le rôle, de l'âge de pétaler dans l'aluminium. Strié en sillon sur la table de Guillaume. À vos pieds, cimetière de mes piles au lithium. Comme j'ai forcé tant de fois à supporter ma rage, observateur sage, ennui de plâtre, insulté, outrage, violemment convoite. Témoin de discussions tardives et secrètes. D'échanges brefs, des coups d'œil furtifs, de têtes qui se tournent tout le temps en même temps. Un ange passe, laisse une trace plus belle qu'un égo qu'on écrase. Aucune face qu'on plaque sur la tienne. La haine, ça te gêne, que la nuit revienne. À nouveau sur toi, l'amour se gêne. Action, frisson, mur, des sons, friction. Gros son, mur, pulsion, tension, vision, classique, mur, vestige d'illusion. Action, frisson, des sons, friction. Gros son, pulsion, tension, vision, classique, mur. C'est demain sans franc appuyé sur toi, yeux clos, à genoux, l'enfer le tient par son axis. Parfait dégainé, ici les cœurs sont bien les, regarde-les, qui le voit crever doucement. Qui bouge, qui laisse sa trace avec un geste bon, qui se mouille, qui brise sa cloison de poison. Il passe devant toi sans voir qu'il y a autour. Enfin, ils évitent donc j'en parle à te faire chaud. Arbre d'âme à la dérive, auréole ou glock, mur mastoc s'impose comme seigneur de ses blocs. Tatoué ou gravé jusqu'à la moelle, opaque voile. C'est dans l'intimité de nos proches comme une vive en poil. Et mille chocs façonnant vos visages, empêche mes yeux de parcourir le paysage. Combien de fois j'écris mon idéal sur cet héritage, stérile larme, art sacré, très véritable. J'ai toujours eu à côté de moi, ici le high test. Impossible de me lever sa veste que l'artiste. Vise l'artiste, vise l'artiste, vise tes abysses. J'ai gardé un coin de toi dans mon cœur. C'est lui qui te parle, j'ai que ça et ça se ressent sale. Comment veux-tu que je perde ça? J'ai tissé ma toile. À travers ton regard, faut que les ronflards. C'est avec ma plume que je vois que j'ai quitté trop tard. Action, frisson, mur, des sons, friction. Gros son, mur, pulsion, tension, vision. Classique, mur, vestige d'illusion. Action, frisson, mur, des sons, friction. Gros son, mur, pulsion, tension, vision. Classique, mur, vestige d'illusion. Combien de temps t'as vu passer à gare cassée sur tes flancs appuyés, tirant chariot rouillé, pliant sous leur vie empilée. De carbondé de monde, mais chacun d'anciens, de pente, de monde, dans le sourire éclair. La journée du plus dur des hommes, comme ceux qui te donnent le tournis, viendra, viendra pas. Heureusement, ses potes le voient pas, et toi tu parles pas. Ton cœur bat au rythme des gens, de leur pas, de leur vie, de leur choix. Ton rictus ironique, cette nuit, personne ne le verra. Dites-moi combien d'amants se sont aimés, cachés dans vos alcoves, doucement, violemment, riche ou pauvre. Clique fauve, nuit folle, mirador de la faune, profonde racine de ces lignes qui coupent nos pommes. Combien d'avis je vous ont sali comme si votre âme était à vendre. Ont-ils une once de rectitude, de droit mûr, témoin de ma sombre solitude. Ça vient qu'on veut devenir con par habitude. Combien de pas ont caressé le bitume, exactitude, exactitude. Savent qu'un rêve qui tue, live in situ, gloire et lassitude. Avis brut, pourquoi la rue est un insulte. T'aurais pu être autre chose, je sais pas, un abribus, t'aurais un banc. Au moins tu lâcherais pas la semelle de tous les gus à qui tu coupes les ailes. C'est pour ça que ça t'y colle et que l'ivresse les ramène vers toi. Souvent de façon moins drôle, processus maudit, rituel planétaire. Rude adversaire, marquage sévère pour poser quelques verres. Entre pisse et bride d'air, salutaire, l'amour se grave au critère. Espoir en tant que pierre, comme les balles d'été d'hiver. Et les âmes libères. Action, frisson, mur, des sons, friction. Gros son, mur, pulsion, tension, vision. Classique, mur, vestige d'illusion. Action, frisson, mur, des sons, friction. Gros son, mur, pulsion, tension, vision. Classique, mur, vestige d'illusion. À travers les rues de la ville, c'est vérité sans oxygène. Échapper des murs sales et des flaques d'urine. On est fiers de rien. Tant de secrets d'énigmes à percer. Je ramène le rap à la base où seule la musique est large. Large, large, large. Yoda Alpha Mu, Alpha Mu, Alpha Mu, Alpha Mu.